Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le Terminus. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus, qui est dédiée au rock indépendant. Donc on est ensemble pour la prochaine heure et on a au menu ce soir, en ce 12 octobre, ce vendredi 12 octobre, on a des groupes assez obscurs comme par exemple Swimming, Gum, Fontaines et aussi des choses un peu plus connues comme par exemple du vieux Wolf Parade. Également le dernier Romeo, un groupe local anglophone, de francophones qui font de la musique en anglais. Et vous avez peut-être vu cette semaine, ou peut-être pas, ces coups de cœur francophones, ils ont annoncé leur programmation qui va avoir lieu, en fait c'est la 26e édition du festival coups de cœur francophone qui va avoir lieu du 1er au 11 novembre prochain. Et côté rock, on a quand même, côté rock francophone, quand même des groupes quand même assez intéressants qui seront de la partie, comme par exemple Amantani, Gros Menet, Mardi Noir, Hors Condor, There's Our Chuck, l'Indice également. Donc, je vous invite à regarder ça sur coupdecoeur.ca pour voir la programmation du festival qui promet beaucoup de rock francophone assez intéressant, des groupes qui ont déjà joué et qui continueront de jouer à l'émission Le Terminus. On va débuter ce soir le premier segment musical de l'émission avec un groupe de Belfast en Irlande du Nord qui s'appelle Girls Names. Ils ont sorti l'année dernière un premier album sur Slumberland Records. Et ils vont sortir à la mi-novembre un premier extrait du deuxième album qui va s'en venir bientôt dans les prochains mois. Donc voici tout de suite la chanson I Lose the Girls Names à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. We'll be right back. Channel du groupe Mr. Graceless. Ça se retrouve sur une compilation qui est sortie récemment pour marquer le 5e anniversaire d'existence de l'étiquette indie rock chinois Maybe Mars. Et le nom complet de la compilation, si vous voulez chercher sur Bandcamp, c'est Independent China in Stereo Maybe Mars 5th Anniversary. Et je vous invite à regarder ça. C'est une compilation qui est gratuite donc sur Bandcamp en tapant Maybe Mars. Et ça nous montre qu'en Chine actuellement, on n'entend pas beaucoup parler, mais il y a vraiment beaucoup de groupes indie rock ou musicaux en général intéressants qui émergent, entre autres de la capitale Beijing. Donc c'est vraiment à suivre parce qu'on sait, on dit souvent qu'en Chine, il y a à peu près 300 millions, même plus, de Chinois qui vivent à peu près avec le même niveau de vie qu'ici aux États-Unis, par exemple. Donc ça fait un bassin de population assez grand pour que puissent émerger des groupes musicaux intéressants, donc entre autres des groupes indie rock que met de l'avant l'étiquette Maybe Mars. On va sûrement réentendre dans les prochaines semaines à l'émission. Et juste avant ce groupe-là, Mr. Graceless, c'était Fontaines, un groupe qui, non, c'était pas du Interpol, c'était Fontaines, un groupe donc, qui ressemble beaucoup à Interpol. La chanson Repetition, donc c'est à suivre si vous aimez ce son-là. On va poursuivre maintenant avec un groupe de Caroline du Nord qui font une espèce de pop rock assez accrocheur en attendant la sortie de premier album qui s'en vient bientôt. Le groupe Swimming nous permet d'écouter déjà quelques démos sur Internet. On va entendre un de ces démos-là qui s'appelle « Some Dreams Come True ». C'est à l'écoute de CISM, l'émission Le Terminus, jusqu'à 22h. Come true, you'll be smiling. Ils sont de Londres. Ils sont tellement rebelles qu'ils n'ont même pas de page Facebook ou Twitter ou de compte Twitter. Donc, c'est peut-être même une bonne chose à bien y penser. C'était le groupe Gum et la chanson Anna Sang and Allison qui se retrouve sur leur 17 EP qui va sortir le 5 novembre, mais que vous pouvez déjà trouver en naviguant sur les internets. On vient traverser un début d'émission avec quand même beaucoup de nouveautés. Alors, si vous voulez retrouver le nom de tout ce que je jouais dès 22h, ça sera disponible sur la page de CISM, le CISM893.ca. Puis je vous invite également aussi à visiter la page de l'émission à leterminus.ca. On va poursuivre maintenant avec de la musique francophone, n'a pas encore entendu ce soir à l'émission. Et ce sera en fait l'album rétro de la semaine sur le palmarès de CISM qui, cette semaine, a choisi le premier album de Navet Confit qui est sorti en 2006, un peu en l'honneur là, de son quatrième album qui devrait paraître dans les prochaines semaines, prochains mois. On sait déjà que le nom de l'album va avoir le nom Noël dedans. Donc, je crois que c'est la vérité sur Noël. Donc, on pourrait s'attendre à une sortie autour de Noël, j'imagine, pour respecter le concept. Et donc, pour revenir à ce premier album de Navet Confit en 2006, il y avait sur la pochette, si vous vous rappelez peut-être, une section qu'on pouvait gratter. Et là, je vois devant moi que les animateurs n'ont pas pu résister à l'envie de gratter cet album. C'était marqué « Nu, c'est découvert » et maintenant, c'est découvert. On va entendre de cet album-là une chanson qui s'appelle « Sous la table » qui ouvre l'album. Et ensuite, on poursuit avec d'autres bonnes musiques toujours sur les ondes de CISM, « La marge ». Avaler les fourmis, crucifié Jésus-Christ, vomi le pâté, reçué, regardé, coloré les fleurs, agité les sœurs, bu l'eau, oh, goût l'eau. Thank you. It's a Curse du défunt groupe montréalais Wolf Parade. Une chanson qui se retrouve sur leur premier album et préféré de plusieurs, dont je suis, Apologies to the Queen Mary, qui était sorti en 2005. Il s'était précédé de d'autres montréalais, cette fois-ci Rome Romeo avec Black Tape, et ça provient de leur premier album complet, qui est sorti en avril dernier sur Machette Records. Et après quelques spectacles, j'ai pu voir là, sur leur site internet quelques spectacles, donc autour d'avril dernier, un petit peu après, et au début de l'été, bon, il n'y a plus vraiment de spectacle d'annoncé pour Rome Romeo, donc c'est quand même à suivre, mais ça semble plutôt tranquille de leur côté ces temps-ci. Ça devrait redémarrer, j'imagine, bientôt. Et je vous propose maintenant d'écouter Times New Viking, la chanson One to Exist. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour l'émission Le Terminus jusqu'à 22h. Yeah. Un groupe de Toronto vraiment à surveiller, c'est Metz, avec la chanson Wasted. Et leur album du même nom, homonyme, Metz, fait d'ailleurs son entrée sur le palmarès album de CISM, et c'est probablement l'album le plus lourd qu'on a actuellement sur le palmarès de la station. Et on va lui souhaiter une bonne vie sur le palmarès, sinon il sera en spectacle à Montréal, en ville, le 22 novembre, au Il Motori. Donc vraiment, ne pas manquer si vous aimez ce groupe Metz. Et juste avant, c'était les Vautours avec Western. On va poursuivre avec un duo de Québec, Ponctuation, qui sont en nomination pour le gala Gamic, qui est un gala un peu gala de la scène locale en marge du gala de la disque. Et donc, dans la Ponctuation, en nomination dans la catégorie du nouvel artiste avec le plus grand potentiel, avec eux dans la même catégorie, quand même des grosses pointures comme par exemple Kendall, Sœur Boulay, Simon Kingsbury et Solids. Et on va savoir les gagnants le 11 novembre qui, je crois, le gala correspond avec la fin de Coup de cœur francophone dont je vous parlais en début d'émission. Et vous pouvez justement aussi, je crois, voter pour certaines catégories du gala sur le site du Gamic sur Internet. Donc tout de suite, on écoute Ponctuation, Belvédère, sur la marge CISM 89.3. Le monde dans le feu. Obéir à ses instincts dans la mesure du possible, une chanson qui ouvre leur EP Fusée dans le beau de la chose qui est sortie l'année dernière et juste avant Ponctuation, et la chanson Belvédère. Voilà, on est pas mal arrivé à la fin de l'émission de cette semaine pour le Terminus. On va se quitter avec les Britanniques de Haifu, ça s'écrit H-E-H-F-U, Haifu. Et ce sera la chanson Street Orange Glow qui se retrouve sur leur album Music for My Broken Ears qui est sorti aussi l'année dernière. Et si on a le temps, on va écouter un petit peu du groupe Fantasme. Reste à l'écoute dans quelques minutes. Zika Mendes sera là avec l'émission La MyFi. Et pour retrouver la liste des chansons que j'ai jouées ce soir, également réécouter l'émission en balado-diffusion, c'est toujours sur le CISM893.ca. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine. Ciao! Calling the headlights, but you're not that bright. That bambi stare won't get you anywhere. If time heals up, and if time takes its toll, is it worth the wait to see you back again? Another night out, another blackout. Good kids, stay away. The ghosts are out to play.